Chapitre 26. Vraiment, vous ne devriez pas rester là, mamselle! Cria M. Murphy, le surintendant portuaire, emmitouflé dans son manteau de toile goudronnée. Il attrapa gentiment Lorraine par l'épaule. Je dois fermer le ponton! Le port de Kimpton End était balayé par un vent du diable. Chaque nouvelle vague qui venait s'écraser sur le brise-lames dans un fracas tonitruant paraissait plus forte que la précédente. Les nuages noirs étaient si bas désormais qu'ils engloutissaient l'île tout entière dans une vapeur ténébreuse que la lumière du phare elle-même peinait à percer. « Et le Marie-Madeleine ?» hurla la Française en pointant le doigt vers la mer, de l'autre côté du long mur entouré de pierres brutes qui tant bien que mal protégeait la rade. Le bruit de la tempête était assourdissant. Il fallait s'égosiller pour se faire entendre. « Capitaine Stout, il n'est pas assez fou pour faire la traversée par un temps pareil. Ils viendront pas, je vous dis. Ils ont dû rester à Brackbury. Rentrez chez vous, mamselle. C'est trop dangereux dehors. Regardez, il y a des tuiles qui volent de partout. Vous allez vous faire couper la tête. » Lorraine grimaça. En son fort intérieur, elle savait pertinemment que le surintendant avait raison, mais l'idée de partir sans avoir la moindre nouvelle de M. Pierce lui était insupportable. « Avez-vous rappelé le sanatorium ? Hein ?» brailla le responsable du port en soulevant le bord de son large chapeau ciré. « Le sanatorium ! Le téléphone, il marche point, je vous ai dit ! Allez, soyez gentils, venez avec moi, faut que je ferme l'accès au ponton, c'est la règle !» Le visage trempé, il lui adressa un regard suppliant. La Française, habitée par un terrible pressentiment, quitta finalement la plateforme en bois aux côtés du brave homme qui, la tenant par le bras, l'accompagna jusqu'à sa motocyclette, garée entre deux voitures à l'entrée du port. « Vous êtes sûr de ne pas vouloir attendre à la capitainerie le temps que ça se calme ?» demanda M. Murphy, inquiet, en regardant la Harley Davidson. « Je peux vous y allumer un feu ? Vous refermerez en partant ? Ça va aller, ne vous inquiétez pas !» L'homme, de guerre lasse, haussa les épaules. « Soyez prudente, hein ?» Mademoiselle Chapelle se pencha sous le réservoir pour ouvrir le robinet d'essence, puis fit pivoter la pédale de kick. Debout, à droite de la machine, les mains sur le guidon, elle tourna la poignée deux fois pour faire venir le carburant, se hissa sur la pédale et s'apprêta à s'y lâcher de tout son poids afin de démarrer le moteur. Mais, soudain, au loin, elle entendit la voix étouffée du surintendant qui poussait des exclamations. Lorraine regarda en direction du port et à son tour distingua dans le brouillard le halo jaune d'une lampe puissante qui vacillait au-dessus des flots de l'autre côté du brise-lames. Le cœur battant, elle abandonna sa monture et se précipita derrière M. Murphy qui, déjà lampe tempête à la main, retournait vers le ponton dont il venait de fermer la barrière. « C'est le Marie-Madeleine ?» le pressa-t-elle fiévreusement en arrivant près de lui. « On dirait bien, ma parole. Ils sont fous !» Le tonnerre gronda une nouvelle fois, si fort que la terre sembla trembler sous leurs pieds. « Nom d'un chien ! Ça faisait longtemps que j'avais pas vu pareil ouragan !» grogna le surintendant en lui tendant le bras. Ils grimpèrent prudemment sur la digue, en haut du brise-lames. Par un si mauvais temps, l'ouvrage élevé à l'entrée de la rade et au bout duquel se dressait le phare de Kimpton End peinait à remplir son office. La mer était certes moins épouvantable de ce côté-ci que de l'autre, mais elle y restait bien assez agitée pour que la houle y fût encore forte. « Bon sang, c'est bien elle !» s'écria le responsable du port, qui n'en croyait pas ses yeux. « Ventre bleu ! Ils ne vont quand même pas !» Luttant contre les bourrasques, l'homme s'approcha dangereusement du bord et porta les deux mains à son front pour mieux voir à travers les nuages et les embruns. « Mais qu'est-ce qu'ils foutent, nom de Dieu ? Pourquoi qu'ils attendent pas une accalmie au large, d'où Jésus ? Si le capitaine Stout il arrive à accoster sous un temps gros comme celui-là, je mange mon chapeau !» Et de fait, quelques instants plus tard, dans le faisceau circulaire du phare, on vit le Marie-Madeleine brimballer sur les vagues furieuses, passer aventureusement devant le brise-lames et entrer dans la rade. Le capitaine était bien décidé à le conduire à quai. M. Murphy se tourna vers Lorraine, l'air alarmé. « Fichtre Dieu ! Ils doivent avoir une avarie ou une voie d'eau pour accoster comme ça contre vent et marée. Faut que j'aille les accueillir, nom d'une pipe. Vous sauriez me filer un coup de main, mamselle ? Je... Oui, enfin... Je vais faire de mon mieux. » Il l'aida à redescendre jusqu'au ponton qui faisait une équerre entre la face arrière du brise-lames et la rive où s'étendait son couloir le plus long. « Va falloir les aider à s'amarrer. Venez !» Elle courut derrière lui jusqu'à un large coffre au bout de la plateforme dont il sortit une deuxième lampe tempête qu'il alluma péniblement à l'abri du vent. « Tenez ! Avec une houle pareille, il faudra pas mollir pour passer les haussières aux pointes et aux gardes, où ils pourront pas accoster, en espérant qu'ils aient l'ancre parée à mouiller de l'autre côté, sinon le Marie-Madeleine y va s'écraser sur le quai comme une crêpe !» Hissé sur la pointe des pieds, Lorraine essaya de voir ce qu'il se passait sur le bateau, mais le brouillard et les mouvements intempestifs de l'embarcation l'en empêchaient. Une chose était sûre, il avançait désormais droit sur eux. « Vous croyez au bon Dieu, mamselle ? Non ! Ah ! Bah, priez quand même, on sait jamais !» Se penchant de nouveau sur le coffre, il en sortit un large parbattage de chanvre tressé. « Regardez comment que je fais !» Le surintendant s'agenouilla près d'un pilier du ponton et amarra la défense de l'autre côté de l'eau, là où le pilier croisait le plancher. « Vous avez vu ? Oui ! Bien ! Faut qu'on en mette à tous les poteaux, jusqu'à l'angle, là-bas, au cas où ils auraient pas eu le temps d'en mettre assez sur le bateau. Si le capitaine Stout, il pense comme moi, il va tenter d'amarrer en dents de peigne. Faites comme j'ai fait, et après vous resterez à l'autre bout, en tenant votre lope bien haut. Si on vous jette une haussière depuis le bateau, une corde, quoi, vous la tournerez au bollard, qui sera devant vous. Au quoi ? Au bollard ! La bite d'amarrage ! Ça va faire un nœud d'amarrage ? Non ! Cria la jeune femme désemparée. C'est rien facile, vous allez voir! Il se baissa et lui fit une démonstration avec un cordage imaginaire. D'abord, vous faites un premier tour mort complet, et puis après deux demi-clés, mais comme ça, l'une au-dessous de l'autre, voyez? Je crois. Vous en faites pas! Comme on dit chez nous, un tour mort et deux demi-clés n'ont jamais largué! Faut-il que la corde soit tendue? Un peu, mais vous embêtez pas! « C'est eux autres qui les tendront depuis le bateau avec des treuils. Allez, on y va !» Ils firent alors une série d'allers et retours entre le coffre et le bord du ponton pour disposer les défenses une à une. Mademoiselle Chapelle, inspectant celle du surintendant, s'efforça de régler les siennes à la même hauteur. Quand elle eut terminé, elle releva la tête. Son cœur tambourinait si fort sous sa poitrine qu'il lui semblait l'entendre malgré le tonnerre. Le Marie-Madeleine n'était plus très loin, sa cheminée crachant des volutes d'une fumée plus noire encore que des nuages. « Allez, mamselle, filez à l'autre bout, bien haut la lampe, et ratez pas l'haussière quand ils vous la lanceront, hein ? C'est le plus important ! Vous allez y arriver !» La jeune femme acquiesça, comme pour se convaincre elle-même, puis galopa à l'angle du ponton. Une fois en place, elle leva le bras aussi haut que possible, tenant la lampe fermement par son socle, afin d'éviter qu'elle ne balance sous les effets du vent. La flamme, protégée par l'épais globe ovoïde et le couvercle, résistait mieux aux intempéries qu'elle ne l'eût imaginé. Le sort à présent en était jeté. Après avoir manœuvré dans la rade pour se mettre face au vent, le Marie-Madeleine, encore rudoyé par les flots, s'approcha de la rive en formant un angle qui avoisinait les 40 degrés. L'instant d'après, Lorraine, crispée d'appréhension, crut apercevoir la silhouette de deux matelots qui s'affairaient sur le pont, couraient de bâbord à tribord dans un balai incessant. Le bateau s'approchait, et la jeune femme, frustrée de se sentir si impuissante au bout de la jetée, se demanda s'il n'arrivait pas à une trop vive allure. « Diable ! Mais comment pouvait-il à une vitesse pareille s'arrêter à temps ?» Lorraine, qui commençait à craindre pour elle-même, lança des regards furtifs vers M. Murphy, espérant trouver dans son attitude quelque réconfort. L'homme, malheureusement, lui tournait le dos, et elle ne put voir s'il était confiant ou affolé. Lors, le temps sembla s'arrêter brusquement, comme pétrifié par l'imminence d'une irréversible catastrophe. Mais la lumière du phare, elle, continuait de tourner, et le ciel continuait de tonner, et la mer de rugir, et les nuages de grossir, et le vent de souffler. Quand l'étrave du navire ne fut plus qu'à une quinzaine de mètres, le capitaine fit pivoter le gouvernail à l'écart de la rive. Il poussa aussitôt, quoique très brièvement, le moteur à pleine puissance, dans un rugissement rauque et métallique de la machinerie qui permit d'éloigner la proue du quai et de placer le bateau sur un axe parallèle au ponton. La cheminée se mit à cracher pendant que le bateau faisait machine arrière toute, dans un vacarme formidable, soulevant des trombes d'eau derrière lui. Et ce fut comme un coup de frein sur les eaux qui immobilisa l'embarcation, tout du moins autant que la chose fut possible pour un vaisseau sur une mer si agitée. La jeune femme, pour qui l'art de la navigation restait un mystère, n'en fut pas moins convaincue qu'il avait fallu au capitaine une grande connaissance de son navire, du courant et des vents. Malgré les conditions calamiteuses, le Marie-Madeleine était là, à quelques mètres à peine du ponton, et dans la position idéale. Tout alors se passa très vite. Des ordres claquèrent du bateau, dont le sens obscur échappa à Lorraine. Du jargon de marin, simplement du coin de l'œil, elle vit l'ancre qu'on propulsait au large. Bientôt, l'un des deux matelots apparut sur le pont, juste au-dessus d'elle. Après lui avoir fait un signe, il lui lança une haussière, alors qu'à la poupe, le second faisait de même avec le surintendant. La jeune femme attrapa le cordage à la volée, tira dessus, puis le tourna au bollard, s'efforçant d'effectuer le nœud comme on le lui avait indiqué. L'homme sur le pont put ensuite commencer à tendre l'haussière. L'instant d'après, à l'issue de quelque acrobatie habile, le second matelot avait déjà sauté à quai pour y capeler une troisième haussière, puis une quatrième. Ainsi, avec l'aide de M. Murphy, il répéta la manœuvre jusqu'à ce que le bateau fût retenu par une dizaine d'amarres. Sur le flanc du Marie-Madeleine, Lorraine aperçut une longue série de pare-battages situés aux deux tiers de la hauteur du franc-bord. Sans doute furent-ils salvateurs, car alors une mauvaise lame fit se heurter le bateau contre les larges piliers du ponton. Le choc, n'eût-il été amorti par les défenses situées sur l'un comme sur les autres, se fut soldé par de funestes dégâts. Les nerfs à vif, Lorraine remonta le long de la plateforme, se dressant sur la pointe des pieds tous les trois ou quatre pas pour regarder sur le pont du bateau qui tanguait encore malgré les nombreuses amarres. Les yeux écarquillés, elle cherchait désespérément la silhouette du détective Pierce, mais, arrivée au milieu du Marie-Madeleine, elle dut se rendre à l'évidence. Il n'y avait que deux hommes debout sur le pont, le capitaine et le matelot. « Ça tangue trop pour descendre la coupée !» cria Stout au surintendant. « Eh bien, sautez, nom de Dieu !» répliqua celui-ci, hébété. « On a un blessé à bord !» expliqua le capitaine. « En hypothermie !» Il fit un signe à son voisin, et celui-ci partit prestement vers le gaillard, d'où il ressortit en compagnie d'un homme qui l'aidait à marcher. Paralysé, tant par le soulagement que par l'inquiétude, Lorraine reconnut instantanément la figure d'Edward Pierce et son inénarrable moustache blonde. Se tenant d'une main à l'épaule du marin et s'appuyant sur son parapluie bleu de l'autre, le détective arriva péniblement jusqu'au garde-corps. Le pauvre homme avait les traits tirés et le visage couvert de sang. Après l'avoir mis au chaud dans le gaillard, on lui avait changé ses habits. Il était vêtu d'un costume de marin et drapé dans une vareuse. « Edward !» s'exclama Mademoiselle Chapelle. « Oh, bonté divine !» cria-t-il à son tour sur le pont. « Mon ami, ne vous inquiétez pas, rien de grave !» Ce ne fut pas une mince affaire de le débarquer par cette houle. Les quatre hommes qui s'en chargèrent n'étaient pas de trop, car l'Anglais, à la vérité, défaillait. Quand, enfin, on l'eut descendu sur la terre ferme, Lorraine le prit dans ses bras et l'y serra vigoureusement dans un irrépressible élan de délivrance. « Oula ! Tout doux, Lorraine ! Tout doux !» Tout sauta Pierce. « J'ai quand même un peu mal. »« Surintendant, conduisez-le à la capitainerie. Allongez-le sous une couverture, il a besoin de se réchauffer encore et de reprendre des forces. »« Entendu, capitaine. Mais vous ?» s'étonna M. Murphy. « Moi, je file en ville prévenir le juge Gaudion. » « Monsieur Pierce nous a informé qu'il y avait une émeute en cours au sanatorium. » Ainsi, sans plus attendre, le capitaine Stout et ses deux matelots partirent au pas de course vers l'une des voitures garées à l'entrée du port.